On va recommencer nos chroniques. On espère d'ici la fin de la saison avec l'instructeur-chef des ambassadeurs Fougamo, Michael Gros. C'est le Michael. Dedans. Mais Michael, en fin de semaine, vous étiez en action un seul match au programme. Et j'essaie de voir. Bon, vous avez perdu contre. Vous avez. Attendez un instant. 7-2, oui, effectivement, contre le Marcos Pop de Saint-Félicien. Et d'ailleurs, le Marcos Pop, c'est une grosse machine. Ouais, Marcos Pop, c'est une machine de hockey, là. Écoute, avec les joueurs de talent qui ont là-dedans. T'es un des équipes normales, Ninja 2B, sont capables de tenir contre eux autres une période ou deux, mais quand ils tournent la vague, c'est presque dur à contenir. Là. OK. Évidemment, donc dans ce match-là, Simon Lepage, 3 buts, 1 passe. Il y a Guillaume Tremblay qui a très bien fait également avec une production de 2 buts et 2 passes. Mathieu Deblois, 1 but, 1 passe. Et pour ça, c'était pour le Marcos Pop. Et pour les ambassadeurs, notons les buts pour. Là, tu vas me l'expliquer. Là. Vernon, Oterreis, Nipoche. Est-ce que j'ai la bonne prononciation? Vernon, Oterreis. Ouais. Oterreis, Nipoche. Vernon, Oterreis. Okay. Et Thomas ouais. Laplace ont marqué les buts dans ce match-là. Donc, évidemment, Marcos Pop, c'est une grosse machine. Deuxième au POC. Je l'ai annoncé ce matin. Et la semaine prochaine, à quoi ça ressemble? Là, en fin de semaine, on a une fin de semaine libre, on n'a rien. Okay. Après ça, dans l'autre fin de semaine, Chicoutimi viennent pour deux rencontres à Chibiamo. Donc, il nous reste les deux matchs-là, puis ensuite, un autre fin de semaine off, puis l'autre après, dernier match de la saison contre les Marquis à Jonquière, dimanche. OK. Et après ça, déjà, on va penser aux séries, hein. Fait que ça va être assez spécial. Ouais, c'est ça. On est en préparation de ça. Là. C'est sûr que les matchs, nos derniers matchs vont être importants parce que pour savoir si on commence les séries à la maison ou sur la route. Là. Ouais. Ça va être serré. On se bat un peu contre les Orioles, on redevient dans le décor, on se bat contre Chicoutimi, peut-être pour une troisième place, quatrième place. Fait que ça va être du bon hockey d'ici la fin de la saison là, pour se positionner en bonne position si on veut pour les séries. Là. Oui, effectivement. T'es-tu content de voir 35e au POC ce matin? C'est quand même pas pire, là. Non, ça va bien. On a une bonne progression. On a toujours des objectifs à court, long et moyen terme. Puis là, on est en train d'atteindre nos objectifs à long terme. Là, est-ce qu'on voulait avoir des bonnes performances en fin de saison, malgré le fait qu'on a juste 2-17 ans cette année? Fait que tu sais, on avait des attentes je dirais peut-être inférieures à ce qu'on est en train d'atteindre. Fait que j'étais très, très, très positif là, ce côté-là des petits gars. Là. OK, OK. Ben Michael, on s'en parle bientôt. Oui, Ben, appelle-moi puis on va se refaire ça. L'instructeur-chef des ambassadeurs Spugamo, Michael Godreau.